Exercice 3, page 80. A. Su, ce, seul. B. Bu, be, bœuf. C. Du, de, deuil. D. Nu, ne, neuf. E. U, e, heure. F. Plus, pleu, pleure.